Bonjour, nous sommes les Kizikou, le groupe aîné de Clermont-Ferrand des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. Cette année, nous avons pour projet d'aller à la rencontre du peuple Sami, le dernier peuple autochtone d'Europe, afin de découvrir leur culture et de mieux comprendre les enjeux environnementaux et politiques auxquels ils font face. Des enjeux comme le racisme, le colonialisme ou encore le réchauffement climatique et les concurrences territoriales entre les industries minières et forestières et l'élevage de rennes. Pour préparer notre projet, nous avons eu la chance d'échanger avec Marie Roué, directrice émérite de recherche au CNRS, spécialiste française du peuple Sami. L'équipe l'a interviewée et vous allez pouvoir profiter de cette interview en plusieurs épisodes. Bon visionnage! Une des questions que nous sommes posées, moi peut-être un peu plus particulièrement, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi d'étudier cette culture en particulier plutôt qu'une autre? Oh, je ne sais pas si on choisit vraiment. En tous les cas, à 20 ans, je ne sais pas si les choix que l'on fait sont très conscients. C'est plus des inclinations, des intérêts. Disons que j'ai quand même été une première année en Afrique du Nord en pensant peut-être travailler en Tunisie, mais que ma relation aux populations faisait que je ne me sentais pas du tout capable de travailler dans un pays qui avait été récemment colonisé par nous et où on avait une relation très bizarre, où je me faisais recevoir de façon sympathique, mais un petit peu trop respectueuse à mon goût, vu que j'avais 19 ans. Et où je voyais que les femmes étaient confinées et je ne me sentais pas du tout à l'aise dans cette relation. Par contre, chez les Samis, où il fallait couper du bois et dormir par terre, ça m'allait beaucoup mieux. Et puis, sans doute, j'ai aimé aussi, j'aime toujours beaucoup ce magnifique pays, ces toundras, ces arbres nains, ces lacs, ces myriades de lacs. Donc je m'y suis attachée, je me suis aussi attachée à des gens, à une famille. Et pour vous dire, je travaille toujours en partie avec ma famille, la quatrième génération, puisque j'ai connu les grands-parents, la génération des parents, des oncles, des tantes, et qui sont devenus maintenant leurs enfants sont devenus père et mère de famille et il y a une nouvelle génération qui a la vingtaine qui s'engage dans des activités. Et quand je vais sur la côte de Norvège, c'est parce que une des jeunes filles qui était très petite quand je l'ai connue, qui est mère de famille, a épousé un Sami de la côte. Et donc je suis passée des Samis du Rhin aux Samis de la côte. Donc c'est une relation aussi qui fait partie de ma vie. Merci.